Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes montée. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Non, cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que Monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait, dans sa grandeur, connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Et le voilà qui vient, et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main.